glissa dehors. Enfin. Backstage, les coulisses du son. Vous écoutez Backstage. Eh bien, bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM, avec vous jusqu'à 10h30. Scream pour l'émission Backstage. Aujourd'hui, Backstage, on va changer carrément de registre musical depuis. Et on va vous parler d'une personne une très grande voix quand même. Il s'agit de Robert Sylvester Kelly. Qui est Robert Sylvester Kelly? Juste après le premier titre, on va dévoiler qui est caché derrière ce vrai nom, hein, parce que là, c'est son vrai nom. On vous parlera après de son nom d'emprunt d'artiste, et on vous parlera un peu de sa carrière, un peu en dents de scie aussi, mais une bonne carrière avec des bonnes prestations, et surtout aussi des bonnes collaborations. Et il y a beaucoup de monde aussi qui ont sonné à sa porte en tant que producteur. Voilà. Alors, qui est Robert Sylvester Kelly? Eh bien, vous le saurez d'ici 4 minutes, un bon 5 minutes. On va d'abord s'écouter le premier titre qui s'appelle Home Alone. It's gonna be a party, y'all. Keith Murray rocks five verses with Universal and Overcome. Combined with R. Kelly and Prove It Can't Be Done. Non-stop in Death Squad and Rockland. I hear somebody knocking, your heart a party song. Yo, yo, who that? Step into the crib we need tonight. What's up, baby? Kelly's in the mood to make it right. Word is getting all over town. Party's over here and getting down, yeah. Hands in the air, get 'em up, y'all. Drinks everywhere, oh. Party in the hills, yeah. Keep it real, yeah. Out of town, word up, word ladies up. All around, what? Me and the crew, oh. Do what we do, yeah. Beat is banging up and down your spine. All the single women here are fine. It's a beautiful thing. Get your body given to your soul. Release the freak in you and lose control. Girl, there's a party going on. My temperature's warm. So let me freak you to the floor while the bass is pumping. All night if your body can handle. Hands in the air. Drinks everywhere. On the hill, you got to say my, my, my, like Johnny Gill. A rich girl, poor girl, get the same respect. You can all drink for free and call her or collect. At the moment of truth with burden of proof. We stack, shoot, and spread love like a truce. The lyrical genius with the R&B messiah. And the roof, we sets on fire. But as long as the party is jumping, we ain't concerned. We don't need no water, let the motherfucker burn. And everybody who was somebody was there. With their hands in the air, bringing in the new year. Yeah, there you are, come on. Nuggets on the wrist is just for shine. Cause ain't nobody checking out the time. Catching clothes for days to blow your mind. Baby, it's all good, so dance tonight. Party going on, ooh, yeah. My temperature's warm. So let me freak you to the floor while the bass is pumping. All night, everybody can be warm. All you want is ooh, party. Yeah. Get them up, get them up, get them up. If you don't know, now you know. If you don't know, y'all. Killer came here to party, y'all. That squad came here to party, y'all. Killer came here to party, y'all. Rockland came here to party, y'all. Killer came here to party, y'all. Murray came here to party, y'all. Home run. Drinks everywhere. Get 'em up, word up. In the hills. Keep it real. Keep it real, y'all. Come on, come on, cross it up, y'all, bounce, y'all, word up, y'all, keep it real, y'all, dance out of town, word up, ladies all around, y'all. Voilà, donc c'était tout simplement le titre Home Alone, et si vous n'avez pas reconnu donc qui se cache derrière Robert Sylvester Kelly, et bien, il s'agit tout simplement de Monsieur R. Kelly. Voilà, donc c'était pratiquement facile. Hein. Voilà. Alors ses surnoms, ben il y en a plein. Hein. Kelly, Kelly's, P.A. Piper, The King of the R&B, The King of Pop of Soul. Donc son vrai nom c'est Robert Sylvester Kelly. Date de naissance c'est le 8 janvier 1967. Donc il a 49 ans. Il est né à Chicago en Illinois, aux États-Unis. Son activité principale, comme vous l'avez deviné, c'est sûrement pas un menuisier. Hein. C'est un chanteur, producteur, auteur, compositeur, acteur de genre musical. Ben, il est dans la hip-hop, R&B, la New Jack, la swing, la Midwest rap, le soul rap, le soul, le neo-soul, le gospel, le urban pop. Instrument, ben, il sait jouer du piano, du clavier, de la guitare et bien entendu il pratique du chant, donc c'est de la voix. Il est en activité depuis 1989. Le label chez qui il a signé c'est Jive Records, donc RCA, et son site officiel c'est kelly.com. Alors, R. Kelly, de son vrai nom, Robert Sylvester Kelly, est né donc le 8 janvier, comme je le disais, en 67 à Chicago, dans l'Illinois. Il est un chanteur d'R&B, de soul, producteur et auteur-compositeur américain. Il est mieux connu pour de nombreux singles à succès comme Bump in the Ground, Your Body Calling, I Believe I Can Fly, Gotham City, Indian Sun Remix, If You Call Back, Turn Back the Hand of Time, The World, The Grease Test, I Am a Flood en remix, et Intrepid in the Closet. En 1998, Kelly remporte 3 Grammy Awards pour la chanson I Believe I Can Fly. Son style distinct a influencé d'autres musiciens et rappeurs. Kelly devient le premier chanteur à s'impliquer dans une carrière professionnelle au basketball lorsqu'il a signé en 1997. Kelly a écrit, produit et remixé des chansons et a participé aux albums de plusieurs artistes comme Alia, à son album Edge and Nothing But a Number, publié en 1994. En 1996, Kelly est nommé au Grammy Award pour l'écriture de la chanson You Are Not Alone de Michael Jackson. En 2002 et 2004, Kelly participe à 2 albums collaboratifs avec Jay-Z, Nas, Shimcom, qui est rien d'autre que Monsieur Puff Daddy, et Notorious Big. La Recording Industry Association of America, donc la RIAA, considère que R. Kelly comme l'un des meilleurs artistes américains avec 40 millions d'albums vendus en mars 2011. R. Kelly est nommé meilleur artiste de R&B dans des 25 dernières années par le magazine Billboard. Kelly compte au total 12 albums solo et plus de 100 millions d'exemplaires vendus à l'international, ce qui fait de lui meilleur musicien de R&B des années 1990. Il est cité pour avoir contribué au hip-hop et au R&B contemporain, ce qui lui vaut le surnom de King of R&B et King of Pop Soul. Après, je vous parlerai un peu de sa jeunesse. Là, on va s'écouter un autre titre de cet album, parce que aussi, je vous parle d'un album en même temps, j'ai oublié de vous le présenter. C'est un double album de R. Kelly qui est sorti en 1998. qui s'appelle tout simplement Air, où on retrouve aussi des duos qu'il a fait avec ses grands tubes. C'est vraiment l'apogée d'R. Kelly, parce que vous allez voir aussi, il y a eu quelques petits soucis de santé, et donc il a dû un petit peu s'effacer de la scène, et je vous expliquerai pourquoi ensuite. Là, on va s'écouter un second titre qui s'appelle tout simplement Half on A Baby, donc extrait de l'album Air de R. Kelly, sorti en 1998, et on se retrouve tout de suite après. Backstage, les coulisses du son. Vous écoutez Backstage. En couleur, en concert, sur RQC. Down low, I'm ready to break it all. Since computer love, they wanna set it all. Like a hotel room, I'm checking into you. I'm digging like a shovel, all the things you do. Take a leap over the broom, that's how you're making me feel. Come on in this room, and let's keep it real and go. Half on the bed. Singing ooh. You ready to bomb? It's gonna take a lifetime to give you all of this love. So baby, open up and get ready to receive a miracle of love. Getting down with me like a baseball field. Wanna hit a home run? Me and you get together, babe, and raise a little one. Life on the baby. All I need. All I need is your body next. Singing ooh, yeah. Your body, na na. Half on the baby. All I need is your body next to me. Singing ooh, your body, na na na. Set it off in the six, baby. That'll be cool. Take a trip downtown between me and you. Tripping on very young. Conversation like what? Not afraid to go there. Once you open up after 9 to 5, you deserve some 12. Making future plans to be where I dwell. Half on the bay. All I need, yeah. Somebody next to me. I'm singing ooh. Next to me, I'm singing ooh. Magnifique album, je vous le conseille sincèrement. Il faut savoir aussi que cet album a été carrément produit et enregistré par R. Kelly, tout simplement. Alors, la biographie et la jeunesse et ses débuts de monsieur R. Kelly, hein, maintenant on va l'appeler par son nom d'artiste, hein, et plus par son nom. Voilà. Né et élevé dans le South Side de Chicago, Robert Sylvester Kelly est le troisième de quatre enfants. La mère célibataire de Kelly, Joanne, est chanteuse. Le père de Kelly, lui, sera absent tout au long de sa vie. La famille de Kelly résidait au IDEA B Well Home dans le quartier de Bronzeville à Chicago. Lena McLean décrit le foyer de Kelly selon son terme. C'était serré, une table, deux chaises, il n'y avait clairement aucune présence paternelle ici. Kelly chante pour la première fois dans une chorale à 8 ans. Kelly grandit dans un foyer féminin, un entourage dans lequel il réagit différemment pendant l'absence de sa mère et de ses grands-parents. Enfant, Kelly est régulièrement abusé sexuellement par une jeune femme âgée de 10 ans de plus que lui. « J'avais trop peur et honte », confie Kelly dans son autobiographie sur le fait qu'il n'ait jamais raconté ce qui lui était arrivé à 11 ans. Il reçoit une balle dans l'épaule alors qu'il se dirigeait chez lui. La balle serait apparemment toujours logée dans son épaule. Kelly devint amoureux à 8 ans. Lui et sa copine Lulu jurent à cette époque d'être petite amie pour la vie. Cependant, leur dernier moment ensemble tourne mal lorsque, durant une bagarre près d'un cirque, Lulu est poussée dans l'eau et happée par le courant. Elle sera retrouvée morte, noyée. Kelly cite Lulu comme sa toute première inspiration musicale. Kelly étudie à la Kenwood Academy dans le quartier de Hyde Park à Chicago en 1980 et y fait la rencontre de son professeur Lena McLean qui encouragera à participer et à chanter Robin in the Sky de Stevie Wonder lors d'un concours de talent organisé dans son lycée. Lena McLean encourage également le jeune Kelly à arrêter le basketball. Elle lui explique qu'il avait d'abord mal pris, mais avoir changé d'avis après avoir participé au concours, Kelly joue dans l'équipe de basketball avec le futur joueur Ben Wilson. Il chantera It's so hard to say goodbye to yesterday à l'enterrement de ce dernier. La mère de Kelly, quant à elle, décède en 1993. Je vais vous parler de... je vais le faire maintenant. Les années 89-94 de Born Into the 90s, donc des années 90s, donc de Kelly. R. Kelly se popularise en 1989 lorsqu'il participe aux côtés de Mark McWilliams, Vincent Walker et Shaw Brook au concours télévisé appelé Big Break, présenté par Natalie Coles. Kelly remportera la somme de $1 million. Le premier album de Kelly, Born Into the 90s, est publié au début de 1992 sous le nom de R. Kelly and the Public Announcement, publié pendant le boom du New Jack Swing au début des années 1990. L'album contient les singles de R&B à succès She's Got the Vibe, Honey Love, Dedicate et Slow Dance, Here Mr. DJ. Enfin, en 1992, Kelly and the Public Announcement participe à la tournée 643, dont le titre correspond au zip code du quartier de Kelly. Il s'agira d'un seul album crédité aux côtés du Public Announcement. Kelly se sépare du groupe en janvier 1993. Le premier album solo de Kelly, Ten Play, est publié le 9 novembre 1993 et contient le single avec succès Bump in the Green qui passera 12 semaines à la première place des classements Billboard, R&B, single et autres singles. Les deux singles comptent 500 000 exemplaires vendus aux États-Unis, donc Sex Me et Your Body Calling. Et sont certifiés disque d'or par la RIAA. En 1994, Ten Play est certifié disque d'or par la Recording Industry Association of America et devient finalement certifié sextuple disque de platine. Le 31 août 1994, il épouse la chanteuse et actrice Alia, qui avait 15 ans alors que lui en avait 27. Les parents de celle-ci ont fait annuler le mariage. La législation américaine de l'État de l'Illinois interdit le mariage pour les moins de 18 ans. Alia a dû mentir sur son âge pour pouvoir se marier. Et on a envoyé la chanteuse en Europe afin de tasser le scandale. Je continuerai ensuite, on va continuer avec un titre What How the Woman Fight Up de R. Kelly. Backstage, les coulisses du son. I'm standing here looking in the mirror, saying damn to myself. I should have known the day would come that she would find somebody else. And all the things I took her through, shit, I shouldn't have lasted this long. Now I'm at this telephone booth calling Tyrone. 'Cause when a woman's fed up, no matter how you beg, no, it ain't nothing you can do about it. Nothing you can do about it. It's like running out of love. Now let's talk about how it all goes down. I used to make love to you daily, when the night felt the same. And any time that you were hurt, I could feel your pain. And if I had a dollar, it was your share. And whenever we would go out, I would front the bill. The up is down and the silence is sound. I hurt you too many times. Now I can't come around. 'Cause when a woman's fed up, no matter how you beg, it ain't nothing you can do about it. Oh no, it's just like running out of love. No matter running out of love. It's too late to talk about it. Too late to talk about it. Oh yeah, oh yeah. La la la la la la la. La la la la la. La. If you don't wanna find out the hard way, then listen to the song while the record plays. When a woman's fed up, mama taught me a long time ago, it ain't nothing you can do about it. Nothing you can do about it. Oh no, it's like no. Running out of love. Running out of love. What you say? Sing it. About it, yeah. When a woman's fed up, you can cry a river till an ocean starts to form, yeah. But she will always remember, 'cause she's a woman scorned. And if you ever get her back, it will never be the same. No, no. She's cutting the corners of her eyes every time she sees your face. And all your trust is out the door. She don't want you no more. You used to tell your boy it's not me, and she would always be here for you. If you had took the time to see what that woman meant to you, is what the mirror said to me. Oh, she was raised in Illinois, right outside of Chicago. Some of the best cooking you ever had. Yes, it was. And I miss her. Ah, mais quelle chanson quand même, hein. What When of the Woman Fight Up de R. Kelly, vraiment, c'est taillé pour faire des tubes, hein, ce qu'il fait ce mec, enfin, voilà. Alors, on poursuit la genèse, l'ascension de monsieur R. Kelly, hein, parce que là, il n'est qu'à ses débuts, comme je vous le disais. R. Kelly et I Believe I Can Fly. En 1995, Kelly est nommé pour la première fois au Grammy's Award. Il est nommé deux fois dans l'écriture de la composition de la chanson You Are Not Alone de Michael Jackson. Le succès de Kelly continue à s'accroître avec la publication de son deuxième album R. Kelly le 14 novembre 1995. Aux États-Unis. Stephen Holden du New York Times décrit Kelly comme celui qui règne en maître sur la pop soul encore mieux que Barry White. En décembre 1995, le professeur Michael Eric Dizon salue l'album homonyme de Kelly au magazine Vibe et cite Kelly devient le premier album Kelly dans le classement. J'ai perdu ma phrase parce que c'était plié. Kelly transforme son tournement personnel et en une forme musicale. L'album atteint la première place du Billboard 200 et devient le premier album de Kelly dans le classement. R. Kelly contient 3 singles certifiés disques de platine. You Remind Me of Something, I Can Sleep et Down Lone, un duo avec Ronald Isley. L'album homonyme de Kelly compte 4 millions d'exemplaires vendus et devient certifié quadruple disque de platine par la RIAA. Kelly fait la promotion de l'album avec la tournée Down Lone Top Secret Tour aux côtés de LL Cool J, Escape et Solo. Kelly publie l'un de ses meilleurs singles, I Believe I Can Fly, une chanson originalement composée pour le film Space Jam's I Believe I Can Fly, atteint la deuxième place du Billboard 100 et la première place au classement britannique. Elle est aussi nommée 3 fois au Grammy's Award en 1998. Le magazine Rolling Stone classe la chanson à la 406e place de son top 500 des meilleures chansons de tous les temps. En 1996, Kelly épouse la chorégraphe et chanteuse Andrea Lee. On va passer de 97 à 99, alors je vais le faire en deux fois. Hein. En 1997, Kelly réalise l'un de ses rêves et signe un contrat pour jouer au basketball avec les Atlantic City Seagulls de l'United States Basketball League USB. Kelly endosse le numéro 12 en référence à son album 12 Play. Kelly explique à ces termes « J'aime tellement le basketball que ça me permet de me libérer l'esprit, de laisser dans la musique de côté quelques minutes et c'est ainsi l'un de mes rêves qui se réalise. » Le contrat que Kelly a et à l'USBL stipule qu'il peut remplir son engagement musical en tout moment si nécessaire. Si Whitney Houston avait besoin qu'on lui écrive une chanson, explique Gross, il peut quitter l'équipe et revenir quand ça lui plaît. Ce n'est pas un rôle qu'on lui a donné, explique Ken Gross, chef des Seagulls, qui a signé Kelly. Kelly est le premier musicien à jouer dans une équipe de basketball professionnelle. En 1998, Kelly publie l'album Air, donc c'est celui qu'on est en train de discuter, hein, d'écouter. Son quatrième album solo et premier double album. L'album contient différents genres de musique, allant de la radio pop avec Céline Dion, au street rap Nas et Jay-Z, et au blues Suicide. L'album est publié le 17 novembre 1998 aux États-Unis. Dave Hoekstra du Los Angeles Times décrit l'album comme le projet de loin le plus plus ambitieux de sa carrière. L'album atteint la première place de la R&B album, ce qui en fait le troisième album de Kelly à atteindre les premières places. Il contient son single à succès, I'm Your Angel, un duo avec Céline Dion, et des classiques notables comme What's the Woman Fight Up, c'est ce qu'on vient d'écouter, If You Could Turn Back the End of Time. L'album contient également le hit I Believe I Can Fly, toujours en 1998. Kelly écrit et produit le premier album de sa protégée, la chanteuse Sparkly, publié sous le label Rockland Records et distribué par Interscope. En 2000, l'album homonyme Sparkly est certifié disque de platine et contient le single By Careful, un duo avec R. Kelly. Moi, là, j'arrête là pour l'instant. On va s'écouter un autre titre et on se retrouve. On va justement s'écouter If You Could Turn Back the End of Time. Super balade qui nous plonge un peu dans, si vous voulez, dès que vous allez l'entendre, vous dire ah oui, ben, c'est de lui, c'est R. Kelly. Eh ben, ça nous plonge un peu dans les balades des années 70, ben, quand nos grands-parents ou nos parents, pour certains, draguaient dans les balles, dans les booms. C'est vraiment cet esprit-là de balade. Franchement, c'est une perle. Vous écoutez Backstage. I'm sick and tired of the games you play. Every move I make, yeah, it's got something to say. Scandalize my name when you see. Attendez, là, j'ai une petite excuse. J'ai zappé le mauvais bouton. Voilà, c'est parti, excusez-moi. How did I ever let you slip away? Never knowing I'd be singing this song someday. And now I'm sinking to rise no more. Ever since you close the door. If I could turn back the hands of time, then my darling, you'd still be mine. If I could turn back the hands of time, then darling, you'd still be mine. Funny how time goes by and blessings are missed in the wink of an eye. Oh, why should one have to go on suffering when every day I breathe? Please come back to me. And if I could turn back the of time, then my darling, you would be mine. If I could turn back the hands of time, then my darling, you still be mine. And you had enough love for the both of us, but I did you wrong. I admit I did, but now I'm facing the rest of my life alone. Whoa, whoa, if I could turn back the hands of time, then my darling, you would be mine. Whoa, whoa, if I could turn back the hands of time, then, my darling, you still be mine. Oh, I never if hurt you. I could turn never back do you wrong. I could turn and back never leave your side. I could turn back the hand. There'd be nothing I wouldn't do for you. Forever honest and true to you. If you accept me back in your heart, I promise. Voilà, et encore une fois, excusez-moi de ma mauvaise manipulation, hein, donc c'était le titre I Could Turn Back the Hand of Time, donc je vous avais dit, hein, c'est une balade qui nous replonge un peu dans les années 70, hein, surtout sur la fin, voilà, ça a été un gros carton, je me rappelle, à l'époque. Alors, il faut savoir qu'après, en 2000, Erkid a sorti le TP To Come et le Best of the Boots Around. Pour commencer le millénaire, il avait sorti ça comme album le 7 novembre. Après, il y a eu The Chocolate Factory qui était sorti et le TP3 Reloaded en 2003 et 2005. Le Double Up en 2006 et 2008. The United Love Better en 2009 et 2010. Il nous avait sorti aussi Operation, c'est tout, et après il est revenu sur le devant de la scène, donc il y a eu un petit battement, vous allez voir et vous allez comprendre pourquoi. Donc il est revenu en 2012 avec le Write Me Back in the Trapped in the Closet en 2012. Pour après, il a repris Black Panty, The Buffet in Collaboration en 2013. Et je vous donnerai sa discographie tout de suite après. Mais je voudrais vous parler, comme je vous ai dit, qu'il y a eu des problèmes. Hein. Il y a eu l'opération de la gorge en 2011 à la 53e édition des Grammy Awards de Los Angeles. Kelly chante plusieurs hits comme Happy People, When Was a Woman Fired Up ou Bum in the Grind. Anna Power du Los Angeles Times accueille favorablement sa performance en mars 2011. Kelly est nommé premier musicien du R&B des 25 dernières années par le magazine Billboard. Le 19 juillet 2011, Kelly est admis aux urgences de Northwood Memorial Hospital de Chicago pour subir une opération à la gorge. Il annule sa performance au Reggae Sunset en Jamaïque prévue pour vendredi. Dans un communiqué, les organisateurs du festival expliquent les graves problèmes de santé de Kelly l'en empêche de participer au festival. Johnny Gurzong, le directeur exécutif du Sunset Production, commente également « Sa présence nous manquera au festival ». Le 20 juillet 2011, les représentants de R. Kelly expliquent que ce dernier a été admis à l'hôpital pour se faire opérer d'un abcès aux amygdales et qu'il sera absent pendant une durée prolongée et indéterminée. Le 21 juillet 2011, le porte-parole de Kelly, Alan Mayer, rapporte que le chanteur est sorti du Northwood Memorial Hospital de Chicago et est en convalescence. Peu après, Kelly donne de nouvelles de ses fans en postant une vidéo sur YouTube dans laquelle il porte des lunettes de soleil et un masque. Le 23 septembre 2011, le magazine Variety confirme la signature de Kelly pour une bande-son du film Sparkly. Le 7 octobre, RCA Music Group annonce sa séparation avec Jive Records, Arista Records et G Records. Après la fermeture, Kelly publiera désormais ses chansons chez RCA Records. Le 10 novembre 2011, Kelly tweet à ses fans et publie une chanson intitulée « Shut Up ». Dans une chanson, Kelly s'adresse aux personnes ayant douté de son retour après son opération et répond aux rumeurs qui l'entouraient lorsqu'il était en convalescence. « Shut Up » est positivement accueilli par Spint et Prefix Magazine, notamment le 21 décembre 2011, Kelly apparaît à l'émission American de X Factor. Donc voilà, Kelly avait donc eu un gros problème à la gorge, et quand il parlait de détracteurs, c'est parce que tout simplement on lui avait diagnostiqué soi-disant un cancer de la gorge, qu'il ne serait plus capable de chanter, et tout ça, donc ça l'a un peu agacé. Il faut le temps aussi quand on se remet d'une opération de la gorge, surtout quand on est chanteur et que c'est notre outil de travail. Je me rappelle aussi qu'il y a des chanteurs comme Klaus Mann, chanteur de Scorpion, on doutait aussi de sa capacité de revenir sur le devant juste après l'album Animal Magnetism. On se dit il ne va pas pouvoir faire l'album Blackout. Et ben l'album Blackout, il est revenu aussi quand même, quoi. Mais il a fallu du travail, notamment aussi pour d'autres choses. Voilà. Alors on va s'écouter un autre titre, et là cette fois-ci je vais vous passer le titre que j'avais zappé tout à l'heure, What the Feel de R. Kelly. C'est parti. Backstage, les coulisses du son. Sick and tired of the games you play. Every move I make, yeah, it's got something to say. Scandalize my name when you see it in the paper. Trying to turn it all around when it wasn't that way. Everybody is trying to figure me out. What the hell is wrong with y'all? Just let me live my life. I can't go one day without y'all in my face. Y'all have lost your minds if you don't hear what I say. Cops chase me when I'm standing still. You know I ain't done shit wrong, so why you want me in your cell? You don't like my songs, well it pays the bills. And you cut me down, cause I keep it real. Sometimes I wanna fly far away from here to another place. It ain't worth these tears. Sometimes at night when I close my eyes, I know the haters are busy making up hater lies. Sometimes I laugh, trying to keep from crying. If I was playing out of luck, then tell me who could I trust? See, I work so hard just to get ahead. If it wasn't for God, I'd probably be dead. Sometimes I think Y'all trying to pull me down, but y'all wasting y'all time. I got your haters figured out. If you had your way, it'd be lock and key. Everywhere I go, trouble follows me. Where the hell is my father? Shit, it hurts sometimes. There's a hole in me, and it rocks my mind. Forgive me, Father, for I have sinned. When was your last confession? That's true, busy land without a care. And that was more than I could bear. When you need my help, I never tell you no. When I need your love, you got somewhere to go. I'm getting sick of this shit, but I'm not gonna quit. I've come too far, gotta keep my pockets big. I get mad as hell, but that's okay. Kick off these shoes, cause I'm here to stay. I gotta let you know, got no time to play. So feel me, and all that you hear me say. What I'm building up, you can't tear it down. Cause it's built on solid rockland ground. We don't die, we multiply. Hit after hit, living platinum style. Keep my head up high, looking toward the sky. Nothing in my view, hey, I can fly. The oldest tape, I can't take no more. And if you feel me, raise your head and show. This is what I feel. Et oui, donc R. Kelly avec l'album R, c'était What the Feel It. Donc je vous ai dit, hein, c'est un album qui est sorti en 1998, un double album avec 17 titres sur le premier et bien entendu 13 titres sur le suivant. Bon, il y a un peu tout style de musique, comme je vous le disais, hein, du rap aussi. Assez bien les interludes qui sont pas mal foutus non plus. Et des gros tubes comme on se les écoute là depuis tout à l'heure, depuis pratiquement une heure. Alors si vous voulez vous faire la discographie de R. Kelly, ben c'est simple, il faut démarrer en 93. Et j'espère encore que vous puissiez les trouver facilement dans le commerce. Donc en 93, il y a le 12 Play. En 95, le R. Kelly. En 98, l'album dont je vous parle, c'est l'album R Point, R donc R tout simplement. En 2000, le TP to Come. En 2003, le Chocolate Factory. En 2004, le Happy People You Save Me. En 2005, TP3 Reloaded. En 2007, Double Up. En 2009, Until Cled. En 2010, Love a Letter. En 2012, Write Me Back. En 2013, Black Panties. En 2015, The Buffet. Et en 2016, 12 Nights of Christmas. Généralement, beaucoup de groupes ou de chanteurs, chanteuses R&B sortent un album Christmas, comme on appelle, avec tous les chants de Noël traditionnels, revus un peu à leur sauce. C'est pour ça que le dernier album en date de R. Kelly, qui n'en avait pas encore fait un, ben voilà, il a fallu qu'il s'y colle. Alors, je vous rappelle qu'il a quand même fait des collaborations et des duos, ce charmant monsieur, hein, notamment avec Simcom, donc Monsieur Puff Daddy, avec Nas, avec Jay-Z, avec LL Cool J, avec Céline Dion, avec Sparkly. Il en a énormément, énormément. Nous, on va s'écouter la fameuse chanson que vous avez peut-être déjà entendu, peut-être déjà vu. Si vous n'avez pas vu, ben vous avez peut-être pu l'entendre fredonner par Cadmerade aussi, qui la reprend à sa farçon, à sa sauce, et tout le monde en rit. Mais ce n'est pas Cadmerade qui l'a inventé, loin de là. C'est tout simplement R. Kelly avec I Believe I Can Fly. Et si même ça ne vous dit rien, ben demandez à vos petites têtes blondes de sortir leur film Space Jam, et vous verrez que cette chanson y figure aussi. Allez, I Believe I Can Fly, c'est tout de suite, c'est maintenant sur RQC 95 FM dans Backstage. En couleur, en concert, sur RQC. Vous écoutez Backstage. Can see it, then I can do. I believe I can fly, donc c'était la fameuse chanson du film Space Jam et surtout sur l'album R. Kelly. Ben nous, il est bientôt l'heure de se quitter les amis. Moi je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Backstage. Donc n'oubliez pas, aujourd'hui c'était le R. Kelly, Backstage R. Kelly pour l'album R, tout simplement de R. Kelly, superbe album que je vous conseille, franchement. On va se quitter avec un dernier titre, avec un duo, avec Jay-Z et The Voicker. Donc les duos, on va s'écouter Ride We Ride, donc de cet album. Voilà, ciao les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Backstage, les coulisses du son. Hey, I remember when, back in the days when I ain't got shit. Now that I got shit, niggas wanna keep up shit. But it's all good. Watch me do this yo, shit. Yo, yo, yo, yo. Hey, yo, from my town to Chi-Town. Now Kelly got some thugs to make you lie down. Voice cry, high sounds, tied down. Cop twisters, shoplifters, with panini schemes. Smoke greeny green, candy man up in cabrini green. Some cats I know like to splurge on their wrist. But my man Karate Matt cut the nerves out his fist. But yo, throw your hands up, y'all are just loving here. It ain't shit but a thug affair. Met the boss, spending drug money. Pop so much, huh? They say I love money. Carrots like Bugs Bunny. So let's slide, you got the right thongs. You don't know, I'm all night long. The DJ playing all the right songs. The WM, rims are muy bien. It's R. Kelly, kill again. Baby girl, can you dig now? Next time we see him, yo, we laying Mr. Big Stan. All my fans in my thug. All my honeys in the club. Check it out. To all the hood that show me love. Come on. We ride, we ride. From Chi-Town to LA. To all my ballers rocking high. Get in the room for the night. Check it out. Taking first class flight. First class to Milan. We ride, we ride. From Chi-Town. Yeah. I used to be in Chi-Town and collect panties. When I'm in Capiti Green, you know I hit Sammy's. Thugged out, yo, all my people giving eye jammies. Now them shorties say I'm cute when they can't stand me. R. Kelly, y'all right from the belly, you know the soul. Everything that we spit on is platinum gold. But now it's for the love for all the players and the thugs. Yo, it's a party going on, meet me right at the club. We got some tickets in the living room, getting it on. And they ain't leaving till 6 in the morning. Thugged out, my people get head while we yawning. Tear the club up every time we performing. Gun up in your waist, please don't shoot up the place. Because the shorty right here, looking good in my face. And yo, it's so deep, I told shorty just last week. It's like you remind me of my team. To all my players in my thug. To all my honeys in the club. Check it out. To all the hood that show me love. That's right. We ride, we ride. From Chi-Town to LA. To all my ballers rocking high. That's right. Get in the room for the night. That's right. Take a first class ride. To Milan. We ride, we ride. From Chi-Town to NY. Be a lot up in here. Money makers got my thug niggas watching my rear. For player haters, 18 and I'm living a dream. Go figure how a nigga that's younger than you. Ice bigger, don't sweat that. Stick to rap, nigga, try that. Call my nigga, I care if you need a hit black. And when you get it, make it known, baby, who did it. Here to make your fans hit the stores and go get it. Now here come a bittersweet note for the fellas. Left out the club with her friend, now she jealous. Mad cause she can't ride in the LS. Yeah, she kinda mad, but the baller could care less. While you sleep, sleep, sleep, I'm in the bands going beat, beat, beat. Got your girl saying, yo, who he? So let's ride the Rock Glance party. Check. Get on pro, federal, Jay-Z. Shake the dice, let him go. Better load, I tear down every show. Better know, cheddar crow like the front, babe, bro. Say it's all Jay-Z.